Le bien d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Comme tous les jeudis, on reçoit Stéphanie Gagné avec son plat favori. Et une toute nouvelle capsule de Vidon Ladon sur Rocky, le fier à bras italien. Ça y est, encore plus à Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, l'émission du retour en pièces détachées. Bonjour les requins. Bonjour Mathieu, bonjour les requins. Et bonjour Kiwan, moi je devrais dire bonjour Kiwan en premier. Hein. Mais non, c'est bien, c'est bien. Okay. C'est parfait de parler aux requins en premier, oui. Mais finalement, tu sais, à propos de notre fameux litige, du nom des auditeurs. Moi, je pense que je vais abandonner l'idée d'appeler les auditeurs les Francis Martin, mais je vais quand même toujours dire bonjour à Francis Martin. Ben, c'est une bonne idée parce que, je veux dire, à un moment donné, sinon, il manque d'exposure. Ouais, je pense que nos auditeurs vont être les requins plus Francis Martin, nous-mêmes. Ou Francis Martin sera un requin. Ouais. Hein? De toute façon, Francis Martin s'est rendu théorique là, comme terme là, parce que ça n'existe plus, Francis Martin. Même Francis Martin, il s'est rendu un, comment on appelle ça, un? Le nom que c'est... Un requin, non? Non, le gars, il a changé de nom. Là. Ouais, je sais plus son nouveau nom, mais Yuzu c'est ça. Sushi. Ça fait longtemps qu'il n'existe plus, le Francis Martin. Donc, c'est pas grave. Donc, bonjour les requins, qui que vous soyez, où vous soyez, bienvenue à Assemblage Requis. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Stéphanie Gagné, comme à chaque jeudi, et pour sa chronique Ton plat favori, elle ouvre son plat Tupperware de coups de cœur artistique et ou culturel et ou musical et ou cinématographique. On ne sait jamais vraiment à l'avance, hein. Et on sait particulièrement pas aujourd'hui. Là. Particulièrement pas. Même pas un indice, même pas de message Facebook qui demande est-ce que vous avez tel CD dans le discothèque de C'est Fou. Rien non, du tout. C'est ça, vraiment rien. Non. Aussi, on a une toute nouvelle capsule de Vidon Ladon la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Cette semaine, en fait, si vous écoutez différentes stations universitaires ou communautaires québécoises, vous connaissez l'émission de MC Gilles. Hein? Et dans l'émission de MC Gilles, il y a un frère à bras italien qui s'appelle Rocky. Et là... Dans la chronique cette semaine de Vidon Ladon la question, il va se chercher une job honnête, ce fier à bras italien. Parce que, tu sais, la controverse avec les Italiens, là, etc. Là. Ben, c'est là-dessus, la chronique de Vidon Ladon la question. C'est un petit peu plus tard dans l'émission. Mais nous, on s'attardera pas trop sur le sujet de la controverse avec les Italiens. Non, mais nous autres, l'actualité, on suit pas même ça. Là. Non, puis on se mêle pas à ça. On veut pas se faire... Ouais, bon, on commencera pas là-dessus, je pense. Bon. Bref, grosse émission aujourd'hui, plein de choses de prévues, plein de bonne musique à écouter. On va commencer ça d'ailleurs en musique à l'instant. Oui, avec un extrait du futur album de Plants and Animals qui sort la semaine prochaine, enfin. L'album va être disponible pour tous les requins et autres mammifères terrestres. Terrestres, un requin, t'as déjà vu ça, toi, un requin rampé à terre sur la plage? Ben oui. Ben oui. Un dauphin peut-être, mais pas un requin. De toute façon, même les dauphins, c'est pas terrestre, donc ça. Non, je sais. J'essaie de te donner une chance. T'sais. Ben non, mais faut pas faire ça. Ok. On va quand même écouter un extrait du nouvel album de Plants and Animals qui s'appelle La La Land. C'est pas l'extrait qui est sur le palmarès anglophone de C'est Fou, ça va être un nouveau plutôt. Oh, dis-moi pas. Ça va être la pièce Fake It tout de suite à Assemblage Requis. Faites donc semblant d'aimer ça. Fake It. S'il vous plaît. S'il vous plaît, hein. Even got out something inside me. Seven's Project avec la pièce National Lullaby. Seven's Project, c'est assez un peu expérimental hein, comme son. Ouais, un peu, hein? Mais c'est très bon, c'est vraiment très bon. Alors ça, c'est le projet parallèle de, entre autres, Patrick Watson, pour ceux qui sont intéressés. Y a des pièces qui sont pas uniquement instrumentales. Là. Ça arrive des fois qu'il y a aussi la voix très particulière de Patrick Watson, mais pas sur la pièce qu'on vient d'entendre. Donc, projet parallèle. Est-ce que ça arrive des fois des projets perpendiculaires ou diagonales ou tu sais? Ça voudrait dire quoi dans ce cas-là, tu penses? Ouais, je sais pas, mais est-ce que tu as une autre suggestion d'appellation pour side project? Non, j'aime ça, par exemple. Ouais, sinon, j'aurais dit un projet à côté, mais... Ça. Moi, je trouve, moi, d'accompagnement, comme un plat d'accompagnement, un side dish. Mais c'est ça, parallèle, ça veut dire à côté. Moi, je trouvais ça bon, en tout cas, comme façon aussi, de... Ouais. Je trouve que c'était la meilleure façon de le dire, en fait. C'était c'est plus un compliment que d'autres choses. Mais... Bon, OK, je pensais que c'était plus comme du chialage. Genre. Ben non, moi, chialer, Kiwan, tu me connais tellement bien. C'est toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Émission qui se poursuit jusqu'à 17h, hein, comme tous les jours, là, du lundi au jeudi. Là. De temps en temps de même, une fois par jour, évidemment. Sauf 3 jours par semaine, où là, on relaxe. Les 3 jours et les fins de semaine, tu veux dire? Ben oui, je pensais tu parlais du lundi au mercredi. le jeudi, on donne tout pour la dernière émission. Non. C'est là que les choses se passent, le reste, c'est de la merde. Non, sans pas, blague. Pas fin pour les gens qui sont dans l'émission les autres journées. Là. Pensez-y pas. Donc, plus tard dans l'émission, on va voir Stéphanie Gagné. Des coups de cœur, là, vous savez ce que ça veut dire, des coups de cœur. Hein? Ça peut être des fois un disque, un film, des choses comme ça, ça va être plus tard. Et puis, on va rire avec Vidor dans la question, donc c'est le plan pour plus tard. D'ici là, il va y avoir aussi plein d'autres bonnes choses. De la musique, mais aussi des faits inutiles, des choses qui sont complètement inutiles à savoir. La partie factuelle de l'émission, comme on l'appelle toujours. Que des faits. Tantôt. Tantôt, mais pour l'instant, on retourne en musique avec un extrait du palmarès anglophone. C'est Hot Chip et la pièce Hallicat, Assemblage Requis. Il n'y a pas de chat dans la chanson, ça qui manque, par exemple, dans la chanson. Ouais, hein. Égorgé, c'est pas dégorgé, mais... C'est un peu ridicule hein, que ça s'appelle Hallicat. Mais... Ben oui, puis il n'y a pas d'Ali McBeal non plus dedans. Il y a un Eud, c'est Allé avec un E. Two people are Hallicats. We have an unhappy cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Heads like ants, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie alone. Wear each other's heads like hats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die alone. Thank you. attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. Now I found a reason to keep on dancing. Now I found a reason to keep on dancing. Dancing, dancing, dancing. Alex Nevsky avec 1000 raisons. Oui. 1000 raisons. On revient ici à Assemblage Rocky pour rien dire, finalement. Non, en fait, on a quelque chose de très pertinent à dire à propos d'Alex Nevsky qu'on vient juste d'entendre avec la pièce 1000 raisons, parce qu'Alex Nevsky était hier soir de la troisième ronde des demi-finales des Francouvertes. Donc, il y a un sixième de finale, non? Ben non, c'est... Je sais pas, j'ai des chiffres n'importe quoi. Je sais pas diviser, en fait. Je sais pas, c'est dans le March Madness de la musique francophone. Dans la braquette numéro zipper. Exact. Non, donc c'est ça. Alex Nevsky était de la troisième demi-finale. Le palmarès provisoire des demi-finales était trôné par Bernard Adamus. Oui, au sommet, il y avait Bernard Adamus. Exactement, et puis ça n'a toujours pas changé. Bernard Adamus est encore premier, mais Alex Nevsky, lui, s'est classé dans cette demi-finale d'hier. C'est qualifié pour les finales. Donc là, on a le portrait final pour la finale qui a lieu. Le portrait final pour la finale. J'aime bien ça, comment tu te redondes de toi-même. Ouais, hein, c'est assez pathétique. Non, mais bref, la finale a lieu la semaine prochaine. Et non, c'est pas la semaine prochaine du tout. Mais en tout cas, la finale, ça va être Bernard Adamus, Mono Grenade et Alex Nevsky. Super. Très, très, très, très bon groupe. Ça, c'est une bonne chance, ouais. Moi, je pense vraiment que Bernard Adamus va gagner. La finale, c'est le 3 mai, donc il y a encore comme 3 semaines lousses entre les deux, sans aucune raison, je sais pas pourquoi. Okay. Donc, c'est le 3 mai prochain et c'est au Club Soda. Contrairement au reste du concours là, qui avait lieu au Lion d'Or, la finale a lieu au Club Soda le 3 mai prochain. Parce que c'est plus gros, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même, c'est une super belle salle, le Lion d'Or, mais c'est vraiment petit. Puis surtout pour les Francouverts, tu vois que pour les demi-finales, ça devait pas être halable parce que c'est tellement pas grand. Puis tu sais sûrement que les trois groupes déjà amènent leurs supporters, leurs familles, leurs grand-mères qui viennent les encourager. Donc, tu sais, si toi, tu connais pas personne, là, puis tu veux aller là, arrive de bonne heure parce que c'est très tough. Mais au Club Soda, ils devraient pas manquer de place. C'est beaucoup plus grand. Devenez amis avec leur famille, sinon, puis... ou partez-vous un groupe et puis devenez le meilleur groupe francophone au Québec, puis vous allez avoir votre place sur la scène pour la finale. C'est bien trop facile comme méthode. C'est vrai. Ouais, vraiment. Beaucoup plus facile dans le fond, beaucoup plus difficile et challengeant de devenir ami Facebook avec Bernard Anonymous. Ça, c'est top. Bon, donc l'émission continue, Assemblage requis. Comme je le disais, on est revenu, mais on a dit des affaires, finalement. Ben, on a essayé. En tout cas, moi, j'ai eu de la misère, mais je pense que j'ai réussi à aligner quelques phrases. Ça pourrait être une mission qu'on pourrait se donner d'ici à la dernière émission dans une semaine. C'est-à-dire? Tout le temps quelque chose à dire à chaque bloc. Ouais, hein, comme généralement les gens font à la radio, là, tu veux dire. Ben, c'est original. Nous autres, on est des originaux, c'est comme ça. On essaie de patcher sans rien avoir à dire. C'est quand même un art de dire rien. Meubler. Ouais. Ça pourrait être une mission aussi un jour, maîtriser l'art de meubler. Ouais. Mm. Ouais. Bon, ben, ça étant dit, on va retourner en musique. Ouais, avec les deux autres artistes finalistes des Francouvertes, Bernard Adamus et Mono Grenade, tout de suite avec la pièce ce soir à Assemblage Requis. Requis. Requiem. Ah, les Requiem. On aurait pu les appeler comme ça, nos auditeurs aussi. Hein. Ah, oui, ça aurait été bien. Ouais, ouais. Mais on n'est pas assez intelligent pour ça. On a choisi les requins. J'ai-tu fait comme t'as fait dans les palmarès? Je pense que oui. En fait, ouais. On aime ça dire ça. Je me suis trompé juste deux fois tantôt. Mm. C'est comme revenir à mes bonnes habitudes, je trouve. Ouais. C'est comme un hommage, dans le fond. Bon, merci. Ce soir, mon grenade. Je sais pas oublier. Christ sake, you bet. Petit Cloton, c'est pas facile, puis de bord des bons polos aux îles. J'suis bon polo aux îles. J'suis bon polo aux îles. Pesant comme Lou Reed, une chance pour moi, j'suis main d'autres douilles. N'empêche, I feel like a man quand j'suis le ski de pose des veines. J'suis pas méchant, j'suis pas important, avec un bien passant. Jésus dans le cul, pis l'orgueil joue plus comme la pense à Marcel au but. J'suis bon polo aux îles. Yeah, yeah. J'suis bon polo aux îles. Yeah, yeah. J'sais pas comment ça s'explique, j'suis subtil comme une teinte de brique. Loin d'être mystique, juste un fruit qui panique. Dis-toi que j'suis bien l'amour, j'suis conscient sur quand ce que j'fais. Pas de détour, j'aime ton smile quand j'la beau tes contours. M'amène dans ta cabane, m'a donné ta nanan. À maison, ma chante une chanson. On fait ça clair, ma langue à la claire. C'est moi le fou de l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. On fait ça clair, ma langue à la claire. C'est moi le fou de l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. Yeah, yeah. Faction, fin des blagues, des rares raisons. J'suis comme un troc de vidange avec les ailes d'un ange. Y'a une taverne dans mon cerveau, il sait moins de ce qui est. J'pète des plombs, pis j'envoie un simple de bout, pis j't'aboute. Au show de Gatineau, j'm'en pôle aux îles. Yeah, yeah. J'm'en pôle aux îles. Yeah, yeah. C'est moi qui t'ouvre prêt, ou ben le lot t'a fait exprès. Ah, parle de sa job, pis du prix de sa robe. Quelque chose qui m'agace quand je te regarde la face. Des plaines de mascara pis j'ose fondre comme une gas. Fais ta gentille, va te poisser une guenille. Parce que j'ai le brain qui vrille quand je vois pas tout tes pupilles. Sa grande mention de distinction. T'es un beau bonbon, mais tu goûtes pas bon. Va te faire ça clair dans l'or et le clair. C'est moi le fou de l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. Hey, hey. J'épouse pas grand cause, à fond celle des gens qui osent. Cherche quelque chose dans la prose qui va me donner ma dose. Le désir m'aspire dans la caverne des délires. Chante avec des mots que je devrais même pas dire. La fleur de coriace, faut que tu l'arroses. C'est là qu'arrive le miracle de la chose. La chanson noire, elle fait filer rose. Fait filer rose. C'est moi le fou de l'île, MTL la ville. Promène tranquille au centre-ville. Y'a la lune qui brille, moi je rêve aux filles. Yeah, yeah. Yeah. Bernard Lamus avec le fou de l'île. On fait une pause tout de suite et de l'autre côté, il va y avoir entre autres une capsule vidon la don la question. C'est fou, 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Thank you.

On fait des blagues, là, mais tu l'as pas vraiment si bien entendu, la pièce. Là, mais... Non, j'allais dire que j'allais la réécouter, ouais. Au moins sur MySpace, je suis sûr. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à The New Pornographers, puis j'aime Library Voices et The New Pornographers, mais c'était quand même assez différent, là, avant, les deux groupes, en tout cas avec ce qu'on connaissait de Step Off the Map and Float. C'est pas mal la seule pièce qu'on écoutait vraiment souvent. C'est ça, puis là, en tout cas, je trouve ça presque louche, un peu, la ressemblance trop flagrante avec The New Pornographers. Je te trouve un peu accusateur, moi, là. Non, non, mais là, je veux pas partir de scandale de plagiat. Outrage au tribunal! Il y en a déjà assez de ce type de... Ouais, avec, oui, ben oui, hein. Comme si on n'avait pas parlé assez... je sais pas si on a parlé assez fou tant que ça. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais ailleurs, par contre, hein. Ouais, j'imagine. Ouais. On parle évidemment de la controverse créée par la chroniqueuse Stéphanie Gagné qui a utilisé la pièce Ton plat favori. Ça, là, je veux dire... chronique avec... Ça a-tu pas d'allure, ça, ces affaires-là? On va y en parler tantôt. On va y mettre les points saisis. On va parler direct avec les acteurs qui sont en plein cœur de la controverse. Là, t'sais. Vous autres, il n'y a pas d'intermédiaire. Non, droit au but, directement. Là, c'est inacceptable, ça. Mm-hmm. Ouais. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait, Kiwan? Est-ce que ça te tente de rire un peu, Mathieu? C'est moi qui te demande cette question-là, d'habitude. Ah, je t'ai comme pris de cours. De cours? Ben oui, ça donne bien, hein, dans une université qu'on parle de même. Hein? Ah. C'est moi qui ai pris de cours. Non, oui, j'ai relativement pas mal envie de rire. Je te dirais que sur une échelle de 1 à rire, j'irais pour rire. Ouais. Ouais. Ça te va-tu? Parfait, ça, on écoute Vidon-la dans la question tout de suite. Vidon-la dans la question. Suite à l'opération Capitole, les hommes d'affaires italo-montréalais peinent à se trouver des emplois honnêtes. Prenons l'exemple de Rocky Bravo, cet ancien fier à bras, spécialiste des relations publiques. OK, le toit, il a deux choix. Soit le toit, il parle, soit le toit, il va l'essayer. T'es dans le Saint-Laurent, les belles pantoufles en ciment, capiche? Le pauvre Rocky se voit maintenant dans l'obligation de réorienter sa carrière. All right. Bienvenue chez McDonald's. Le moelle, peux-tu prendre le commande à le toit? Faudrait que je mangerais un trio de cheese. Pas de ketchup, pas de moutarde, puis pas de pickles, s'il vous plaît. Puis pas le pain, pas le fromage, puis pas le viande non plus, you fucking bajouk, hein? Si le toit, il veut pas manger, get out of here! Next! Ouais, on va te prendre un trio gonflé bégrac et un extra bégrac. On va te changer la frite en poutine, de moins deux râpes au poulet, un 6 morceaux, puis deux desserts, puis un sundae. Le pontage coronarien avec le chat, Dumbo? Quoi? Non, le moelle a rien dit, Moby Dick. Calme le toit, là. Qu'est-ce que le toit le veut boire? Un diet coca extra-large, s'il vous plaît. No way, man. Parce que là, écrit ici, diet coca, coca diet. Puis là, ça, c'est pour le monde à la diet, monsieur le ballon dirigeable. Le toit n'aimerait pas mieux une orangeade. Il y a beaucoup de calories dedans, l'orangeade. Ou le moelle, c'est pas un bon grand verre de la sauce barbecue, peut-être? Quoi? Hey, je veux voir le boss. All right! Le monsieur le fat fuck le veut voir le boss. Permettez-le-moi. Attends, le toit va voir dans le miroir. Le toit va le voir, le boss. Le Rocky a ensuite travaillé dans un disquaire grande surface. Oui, salut. Écoute, j'ai entendu une super belle chanson à la radio. C'était de Carquois. Carquois? De Carquois. Quoi? Carquois? Carquois? Le toit ne sait pas parler, you fucking shit. C'est le moins qui devrait dire carquois. Le toit, il est ici, carquois. Le toit, il n'a pas fini la phrase dans le toit. Reviens ici, là. Le toit, il est ici, carquois. Ah, excuse-moi, monsieur. T'as-tu mal à la jupe? Mal à la jupe? Mal à la jupe? Non, le moins, il a mal au dos un peu. Le moins, il a mal aux pieds à force d'être debout. Mais le moins, il n'a pas mal à la jupe. What the fuck is a jupe? Mal à la jupe. Le moins, il va l'avoir mal aux jointures. Puis le toit, il va l'avoir mal à la gueule si le toit ne sort pas d'ici tout de suite. Malageux. Et finalement, Rocky Bravo trouva l'emploi idéal. Rocky Bravo. OK. Rocky, nomme-moi trois raisons pourquoi qu'on t'engagerait, toi. Ben, les trois atouts principaux à le moins. Premièrement, le moins, il a les gros muscles. Deuxièmement, le moins, il est bon pour le manier le bat de baseball, les deux par quatre, les bords à clous. Puis le troisième, le moins, il a fait peur. Ah oh ben, sacrament! On a trouvé notre homme, les boys! Hey, Rocky, bienvenue à la FTQ Construction! All right! Vidon-la dans la question! Hey, tu viens d'entendre une nouvelle capsule de Vidéo à la question, Fat Fuck? Hein? Fat fucking fuck fucker? Ouais. Le punch était un peu prévisible, mais c'est très drôle quand même. Oh, monsieur est tellement bon en comédie qu'il peut juger si les autres blagues sont prévisibles ou pas. Ben non, mais là, c'était construit non, mais en t'sais, Rocky, Rambo, tu sais. Rocky, Rambo, Fat Fuck. Ben... c'est pas mal de la FTQ. Ben oui, tous des personnages connus là et voilà. appréciés au sein de la FTQ. Aimés de tous. On aimait d'arrêter de parler de la FTQ, je pense. Je pense que ça va craquer quelques-uns. Bon, hein. Bon, la porte du studio, je commence à avoir peur un peu. Donc, une toute nouvelle capsule de Vidéo à la question. On en retrouve une fois de temps en temps et je dirais jusqu'à la fin de la session la semaine prochaine. Hein? Donc, soyez-y avec Mathieu Saint-Onge et les Carchambault. Jusqu'à la semaine prochaine, au moins jusqu'à la semaine prochaine. On se dit donc à la semaine prochaine. Ouais. Sinon, il va y en avoir cet été aussi des capsules de Vidon Ladon, donc ne manquez pas ça à Assemblage Requis. Sinon, ben, vous êtes toujours à cette émission du retour en pièces détachées. Et qu'est-ce qui s'en vient, Kiwan, slim friend fucking friend flicking fucking fucker? Mon nouveau surnom, c'est bien, j'aime ça. Ben, ça et Kiki, là. Ah non, ça... On va aller régler notre litige. Tu sais que si tu continues de me demander de pas t'appeler Kiki... Avec mon 2x4 et ton bat de baseball. Tu vas mal aux jointures! Je vais avoir mal aux jointures, tu vas avoir mal au menton. Et tantôt, dans quelques minutes, il va y avoir une petite pause. Après ça, il va y avoir, entre autres, Stéphanie qui va venir nous rejoindre. Mais avant tout ça, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on écoute un extrait du palmarès anglophone. C'est Zeus. Comment est-ce qu'on le dit pour vrai le nom de ce groupe-là, Mathieu? Moi, je dis Zeus. Zeus. Avec le dieu Zeus. Je vais faire comme tu dis. Je vais dire Zeus et on va écouter la pièce Fever of the Time tout de suite à Assemblage Requis. Moi, j'ai plus hâte à la pause. Je suis sûr qu'elle va être bien, bien, bien. Mm-hmm. Je suis sûr que j'entends parler d'affaires qui vont me donner faim. Tu vas pouvoir arrêter de m'achaler avec ton envie de pipi, là. C'est ça. J'aime ça parler de ça, ça. Ah. C'est la deuxième heure d'assemblage requis qui commence à l'instant avec Kiwan et Mathieu. On est ensemble jusqu'à 17h. Bienvenue ou bon retour, dépendant de si vous venez d'arriver ou pas. Hein? Ou à la prochaine, si vous fermez votre radio dans les prochaines secondes. Bye! Bon, merci d'être avec nous. Hein. Vraiment, on l'apprécie beaucoup. Donc, il reste une heure à l'émission, comme l'expression « Bienvenue dans la deuxième heure » l'indique. Pas mal. Ben, il aurait pu avoir trois heures, tu sais. Mettons, cet été, peut-être que je vais dire « Bienvenue dans la troisième heure ». Oui, peut-être. Quand sais-je? Tu peux pas nous en parler tout de suite, quand même. Non. Ah. Pas voler des punchs. Il nous reste une semaine à faire, là, toi et moi, 4 jours semaine. Eh oui, une semaine encore. Ah, souffrance pénible. Mm-hmm. Ouais. Hey, d'ici à la fin de l'émission, comme on aime beaucoup le dire, Stéphanie Gagné va venir nous rejoindre avec sa chronique « Ton plat favori ». On ne sait pas de quoi elle parle encore. On ne sait pas encore. On va aussi parler de faits tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, on va parler un peu d'Antoine Dufour, qui est en spectacle ce soir au Zénob. Antoine Dufour, que probablement tout le monde a déjà entendu son nom ou a déjà un peu entendu parler de lui, mais on n'en joue pas vraiment ici. Du Antoine Dufour, c'est pas parce que c'est pas bon puis il a pas talent, mais au contraire. Là. Ouais. C'est juste parce que c'est ça, c'est un musicien, simplement, c'est un instrumentiste, est-ce qu'on dit ça comme ça? C'est un guitariste, et puis c'est ça. Ses compositions n'ont pas de paroles, c'est seulement un guitariste qui joue de la guitare, mais c'est vraiment un prodige, je dirais. Il vient de la région ici, puis il va être au Zénob ce soir, donc c'est un peu une chance exceptionnelle, en fait, d'aller le voir. Il va être avec Mathieu Fizet aussi, donc... Oui, Mathieu Fizet. Tu connais? Oui, c'est le gars qui a joué avec Vélez Parietar quand on est allé voir. Ah, OK. Ah oui, c'est vrai. De Manahil. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, on se rend spectacle ce soir. Puis après ça, Stéphane Dufour s'en va dans une tournée qui va entre autres l'amener au Japon. Beaucoup de spectacles au Japon. On va faire le tour de l'Europe aussi, plusieurs pays que je pourrais pas tous nommer, mais il y a vraiment un paquet de dates là, d'annoncer pour lui. Vraiment faire le tour du monde avec son spectacle qu'il va présenter au Zénob ce soir. Ben oui. Ça va être chaud, ici. Comme on dirait, c'est Antoine Dufour, t'as pas une suite, Antoine Dufour, c'est chaud. Donc en fait, c'est lui qu'on entend présentement en arrière, c'est lui qui joue la guitare. On l'écoute un peu? Ben oui, on pourrait faire ça. Allons-y. C'est la pièce String Fusion, ou String Fusion. Ou Fusion des cordes. Antoine Dufour et la pièce String Fusion, je trouve ça vraiment impressionnant. Moi, oui, vraiment. Sûrement en spectacle, voir bouger les doigts comme ça, ça doit être assez incroyable. Mm-hmm. On prend faire jouer régulièrement, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et un peu comme, comme Antoine Dufour. Ah, mais juste avant, oui. Je t'interromps sauvagement comme oui, ça. Ben, tout à fait, en effet, oui. Son album Convergence ou Convergences sort le 27 avril prochain, là, juste de ça. C'est un nouvel album d'Antoine Dufour. T'es un vrai bilingue. Ben oui. J'allais dire, oui. Un peu comme Antoine Dufour, je vous ai... T'allais dire ça avant que je t'interrompe tantôt, c'est ça que t'allais dire, oui. À peu près, oui. Je vous ai cuisiné... Excuse-moi de t'avoir interrompu, c'est correct, je te pardonne, okay. Ça va. Oui. Je vous ai cuisiné, je vous dirais comme une quiche, Lorraine. Tel un chef broyardi. Chef fort broyardi. C'est ça que j'ai fait. J'ai cuisiné une belle petite chronique remplie de faits véritables, véridiques et vérifiables. Qu'on appelle c'est un fait. Hein? Sorti doigt du four. On va se rafaler ça, on va y aller vraiment le. Chouing, chouing, chouing, chouing, chouing, chouing, chouing. Savais-tu, Kiwan, qu'en 1964, Blue Ribbon Sports a été fondé? Là, tu me demandes, mais qu'est-ce que ça a à voir avec quelque chose, ça? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec quelque chose, ça? C'est qu'en 1978, la firme Blue Ribbon Sports a été renommée. Ça s'appelait Nike à ce moment-là. Ah. Ah, Blue Ribbon Sports, c'est l'ancêtre de Nike. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, savais-tu qu'il n'a jamais téléphoné à sa femme ni à sa mère? Pourquoi, me demandes-tu? Ben, parce que c'est un maudit écœurant. C'est ça, il n'y a pas de cœur. Non, les deux étaient sourds. Ah, okay. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Sa femme et sa mère étaient sourdes. Et il a inventé le téléphone. C'est quand même une belle chose. Savais-tu qu'Iwan... En fait, t'es peut-être au courant du mythe qui dit que tu peux pas plier un morceau de papier, une feuille de papier, en plus que 7 fois de suite. Savais-tu ça? Ah non, je savais pas. Mais en fait, c'est un faux fait, hein, parce que le prochain fait nous dit qu'un morceau de papier peut vraiment être plié plus de 7 fois. Ah, on l'essaye-tu? Ben vas-y, prends une feuille, passe-moi ça à la radio, ça va être malade de l'origami, ça va être... Okay, on va faire ça, donc attends un petit peu, je prends une feuille. Ouais, alors c'est long. Je la plie une fois. L'effet comme sur le côté vertical. Mais y a-tu. Il y a vraiment un sens comme non, ça? Non, non, mais non? Cette fois okay. En moitié. Okay. Là, tu décris ce que je fais, ok. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, non, mais peut-être que le mythe, c'est à partir d'une feuille d'une telle grandeur, genre une 8,5-11 peut-être. Ah, ben ça dit un morceau de papier. Parce que, ouais. Non, ouais, mais en théorie, tu sais, ouais, peu vrai, importe la grandeur. C'est l'épaisseur, ouais. C'est ça. Ça dépend peut-être de l'épaisseur de la feuille de papier. Peut-être que c'est du papier vraiment recyclé, très, très, très mince. Du papier journal, peut-être. Oui, ou un annuaire ou un dictionnaire. Là, je suis rendu à 3. Ouais, une chance que j'avais dit que ma chronique serait pas trop trop longue aujourd'hui. Hein. Hein, trois fois. T'en dis vraiment des affaires, n'importe quoi. Tout le temps des mensonges. On est rendu à 4. 4 fois en moitié, là, il plie vraiment, c'est rendu petit quand même. 5. 5, d'accord. C'est rendu gros comme un carton d'allumettes à peu près. Et six, je pense pas me rendre à 7. Parce que là, tu vois, 6. Puis là, ça fait comme. C'est rond. Ça plie plus vraiment, c'est comme plus rond. Là. C'est plus une boule de papier. Ouais, là, c'est ça. Mais 7, là, ça serait ridicule. Non, c'est impossible. Ben, je le savais. Cette fois, c'est impossible. Mais apparemment que c'est vrai avec certaines sortes de papier, c'est ça que je voulais dire. T'sais. En tout cas. Moi, j'ai passé un beau moment. Moi, je me fie sur mes expériences. Moi, j'ai un esprit scientifique. Hein. Toi, il faut qu'on te prouve les affaires. T'es comme un Thomas, c'est ça? Non, j'ai un esprit scientifique. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec Jésus et Thomas. C'est pas le même Thomas. C'est le Thomas dans Ramdam là, qui dit tout le temps la même affaire. Bon. Prochain fait, le désert du Sahara, qui est en fait le plus grand désert du monde où on peut passer des années sans avoir aucune pluie. Et bien apparemment qu'il y a eu de la neige une fois dans l'histoire qui a été répertoriée. Donc le désert du Sahara, une neige. Bon. Seulement un chat tricolore sur 3000. Chat tricolore, t'as déjà vu un chat tricolore trois couleurs, comme une napolitaine? Okay, ouais. Fraise, chocolat et vanille. Bon. On les appelle en anglais des turkeys ou des calicos. Donc seulement un dans 3000 chats à trois couleurs sont des mâles. Et de ces calicots mâles A, la plupart sont stériles. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Eh oui, c'est triste, hein? Contrairement à la croyance populaire, sûrement que tu le croyais toi aussi. Il ne faut pas avoir d'enfants. D'enfants chats, là, de chatons. Okay. De chatonnets. D'accord. Contrairement à la croyance populaire, avaler ton chewing-gum, ta gomme à mâcher... elle va pas rester dans ton estomac, non. Tu sais, les gens pensent que c'est vrai, là, mais c'est pas vrai. En fait, elle sort de ton corps d'une façon assez normale. C'est dit dans l'article normal. Moi, je dis que ça prend juste plus de temps. Ouais, c'est ça, mais es-tu digéré? Es-tu transformé? On sait pas, hein? Ça, on sait pas. Le fait ne le dit pas. Si elle sort intégrale. Ouais, si tu peux la remarcher après, c'est ça. Les bébés nouveau-nés, et là, on parle de bébés, pas de chats, ici. Les bébés nouveau-nés peuvent pleurer, mais les larmes ne sortiront pas de leur corps. Pourquoi? Parce que les conduits qui font sortir les larmes ne sont formés qu'après un mois après la naissance. Mm-hmm. C'est vrai. Neptune n'a pas encore complété une seule orbite du Soleil, donc un tour autour du Soleil, depuis sa découverte en 1846. Donc, on a découvert Neptune en quoi? En 1846? Okay. Parce que tu voulais parler, tu faisais baba à quelqu'un. Ben, parce que je t'écoute, Mathieu, voyons. Je sais bien que non, c'est tellement plate. En fin du compte, elle va faire son orbite en 2011. Premier tour complet de la planète Neptune qui a été découverte en 1846. Premier tour en 2011. Bon. Savais-tu, Kiwan, que l'utilisateur de Facebook, l'utilisateur moyen de Facebook, a 140 amis et va passer 55 minutes sur le site? Par jour? Ça dit 55 minutes, j'imagine, parfois qu'il y va. OK. J'imagine, pour au moins lire son feed de nouvelles. Moi, j'avais vu une phrase célèbre sur Twitter que Facebook s'est vraiment rendu comme une job à temps partiel qui est vraiment à chier, ça. Pour vrai, c'est rendu de même, là. Faut que tu lises, puis ça prend comme une heure, puis c'est comme ça mène à rien, puis t'apprends rien, mais c'est de même, tu le fais. Comme un job à temps partiel qui est nul. Bon. Puis c'est moins payant en plus que... Quasiment, ça dépend des jobs, par exemple. Ça peut... Ouais, t'as raison. À moins que tu le fasses à job, lire sur Facebook, et ça, bien des gens le font. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. À moins que tu sois comme Rocky, là, puis que t'aies un emploi très payant. Rocky, à la FTQ. C'est... Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ou Rambo, je pense. Non, mais je voulais pas dire de vrai nom, c'est pour ça que j'avais dit. Ok. Excuse-moi, Rocky, parce que Rambo, c'est un vrai nom aussi, hein. C'est sûrement pas son surnom. L'esprit humain, Kiwan, peut, parlant de ce genre de Facebook, l'esprit humain peut maintenir une relation sociale avec jusqu'à 150 personnes à un seul et même moment, là, moment-là. Là, okay. Maximum 150 vraies relations. Puis qu'est-ce qui arrive si t'as, après 150, quand t'as un nouvel ami, il faut que t'en élimines un? T'oublies le premier, c'est comme une parole d'ancienneté. Ah, tu peux même pas choisir quel tu veux. Sûrement pas. Aïe, aïe. Ça doit pas, je sais pas. J'ai aucune idée. savais-tu? Là, vraiment, la dernière phrase, c'était n'importe quoi. C'était très factuel, hein? Vraiment. Les chameaux, originalement, viennent d'Amérique du Nord. Moi, j'aurais jamais pensé ça, mais les chameaux, au départ, étaient en Amérique du Nord et ont migré, c'est ça qu'on dit, quand ils s'en vont vers un autre endroit. Il y en a encore quelques spécimens. Là. Ouais, ça? Quoi? Hein? Des gens qui ont les bosses dans le cou. Ouais, je sais, j'en connais quelques-uns. Il y a apparemment 40 000 accidents reliés aux toilettes aux États-Unis à chaque année. 40 000 accidents de toilettes. C'est juste... un, juste pour voir. Mais c'est juste ceux qui sont déclarés. Hein? Ben oui, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Des fois, ça peut être gênant. Tu le dis pas nécessairement. T'sais, tu te vantes pas de ça au bureau. Là. J'ai eu un accident de toilette. Mais j'essaie d'imaginer aussi des exemples d'accidents de toilette. Ben, peut-être par succion. Ouais. Tu flushes et puis t'es sur la balle et puis tu fais... Je sais pas s'il y a des fractures qui ont déjà été causées par... Ben, sûrement qu'il faut casser la toilette pour sortir quelqu'un des fois. Ah, ça doit arriver. Fracture de la toilette. Savais-tu qu'aucun mot dans la langue anglaise rime avec, et là je vais vous dire les quatre mots qui n'ont pas de rime dans le fond. Purple, orange, month et silver. Apparemment qu'il n'y a pas de mots qui riment avec ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être en désaccord avec ça. Oui, purple, orange, month et silver. On a une experte de la langue anglaise, Stéphanie Gagné, qui va venir nous rejoindre tantôt. Est-ce que tu peux penser à un mot qui rime avec silver? J'essaie de penser, mais je ça sais pas. Quoi? Je vais essayer de revenir avec ça tantôt. Kilter, off-kilter. Kilter, silver. J'entends des fois l'expression off-kilter. Je sais pas. Bref. Sais-tu, Kiwan, que comme des empreintes de doigts, l'empreinte d'une langue est aussi différente chez chaque être humain? Ah. Les empreintes de langue. On pourrait trouver un criminel si, mettons, il avait liché le clavier ou la souris. Ou un pot. Ouais, ou, le chat. Ou non, ou arrête d'énumérer des choses que les criminels peuvent lécher parce que ça pourrait devenir vraiment indécent. Et ouais. Pour un vieux. Ouais, t'as raison. En 1995, Fred Rumpelberg a réussi à se rendre à la vitesse de 167,04 milles à l'heure sur un vélo sur une surface plate. 167 et plus milles à l'heure. À vélo. Sur une surface plate. Plate. Pas dans une côte, là, parce que sinon ça arrête. Pas en chute libre, genre en se lançant du 10e étage. Non plus, non. C'est ça. Mais ça, c'est très dur à croire, là. Ah, mais apparemment que c'est un fait. Mmh. Apparemment. On a offert la présidence de l'Israël en 1952 à qui? À Albert Einstein, mais il a refusé d'être président de l'Israël. Quoi d'autre? Environ 80% des millionnaires conduisent une voiture usagée. C'est peut-être là qu'ils économisent leur argent en n'achetant pas des voitures. Mmh. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est... pas sûr que c'est une Hyundai Excel usagée, là, tu sais. Non, ouais. Ce serait quoi, un Hummer? Non, mais tu sais, les voitures de collection, par exemple, c'est toujours usagé, tu sais. Tu sais, des vieilles voitures ou des voitures rares. Ah, ben oui. Toujours usagé. Ben oui. À moins que ça quitte l'entrepôt puis que ce soit entreposé. Ouais, c'est ça, mais... La manufacture. Une voiture de collection n'est pas fabriquée en étant une voiture de collection. Ben non, t'as raison. Les oiseaux sont allergiques. En fait, ils trouvent que les avocats, l'avocat, pas les gens, mais les avocats, c'est empoisonné pour les oiseaux. Donc, s'ils mangent un avocat, ils tombent morts. Wow. Et je pense qu'on va terminer avec ça parce que ça fit bien. Goodbye vient de l'anglais, en fait, du Middle English, une vieille langue qu'on utilisait il y a des années à mort. Là. Goodbye, ça vient de la phrase God be with you, comme que Dieu soit avec vous. Ah, donc, oui. Instantanément, j'arrête d'utiliser le mot goodbye pour le reste de ma vie. Ça. C'est bien. Ouais. Parce que sinon, quoi, c'est comme. C'est trop religieux. C'est ostentatoire, ouais. C'est pas trop. Hein. C'est ça. Mm. Ça me va pas. Ok. Je vais dire bye-bye, même si ça, dans le fond, ça vient du même mot. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Kiwan. C'est la chronique, c'est un fait sur des faits qui sont plus ou moins vérifiables. Si vous voulez en savoir plus, allez sur twitter.com/omgfacts ou encore allez sur leur site complet omg-facts.com. Très bonne ressource pour apprendre des choses. Ouais, apprendre des choses. Plus renseignez-vous tout seul. Là, plus pour rire, je dirais. Là, mais... Ils donnent une phrase, ils donnent pas vraiment d'explication la plupart du temps. Puis là, ben, c'est pas bon. Puis là, tu répètes ça à tes amis autour de la machine à café. Puis les gens te croient. Ça a l'air intéressant. T'enrichis ton réseau social comme ça. C'est ça, c'est tisser le lien social, comme ils apprennent en cop social. Ouais, mais faut que tu fasses attention pour ne jamais dépasser 150, par exemple. Hein. Amis, sinon, des relations, ouais. Hey, t'apprends vite, toi. Je devrais te faire un quiz à la fin de la chronique. Ben, il va y avoir un test, je pense, à la fin de la session. C'est ça. Ouais, sur tout ce qu'on a appris. Ouais. Bonne chance. On va s'en aller en musique tout de suite avec un peu de Waving Hand. On va écouter la pièce The Man Living on the City Landfill Site. Et Waving Hand vont être demain. C'est demain, là, on en parle depuis longtemps. On sera là, pas en nombre demain, donc on n'aura pas la chance de vous le répéter. Là. Exactement, c'est la dernière fois qu'on vous le dit. Ils vont être avec Thorngat et The Intensive Care à la Galerie de l'Appart, ici à Trois-Rivières, pour la 6e édition des Feux de forêt dans les airs. Et nous, on les écoute tout de suite, Waving Hand. Là. À Assemblage Rookie. Hey, Stéphanie Gagné s'en vient tantôt. C'est pas long. Never mind what anybody else done. Stick up for yourself, son.

Ben non, j'essaie pas de ressembler à Justin Bieber non J'espère plus. J'espère bien. Quand même, je veux pas ressembler à une vieille. Ouais. Non, c'est pas ça, là. Il y a une différence entre les hommes qui ressemblent à des vieilles lesbiennes et les personnes, gars ou filles, qui ressemblent à Justin Bieber. Faut pas associer les deux. Mais non. Qu'est-ce que tu vas nous faire écouter, Kiwan? Je suis tout énervé, hein? Attends un peu. J'ai vu le CD s'en venir, là. Ah, il veut faire jouer du Tegan and Sarah. Hein? Oui! Bon. C'est un extrait du palmarès anglophone. Oui. Mais on n'écoutera pas la pièce dans le palmarès anglophone. Non! Qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter The Ocean tout de suite. Ma préférée! Billy Ocean, ça? Billy Ocean, oui, ouais, exactement. Billy Ocean. Billy Ocean 12, ouais. Tout de suite, on écoute ça. On va remercier Stéphanie, on va dire aux gens d'écouter une peu belle émission. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette émission aujourd'hui? Il y a Angus and Julia Stone, un groupe qui a sorti un album il n'y a pas si longtemps. Charlotte Gainsbourg, Chinatown, qui vont être en spectacle aussi bientôt. Phoenix, Band of Skulls, Ladytron, et plein d'autres bonnes choses. Cool! Ben, c'est tantôt à 17h. Exact. Et on écoute Tegan and Sarah et The Ocean tout de suite. The Ocean. Trying to leave. Love is All et la pièce Kongun qu'on vient d'entendre. L'émission Assemblage requis. Oui. L'émission est presque terminée et on n'a toujours pas parlé de toutes les suggestions de sorties dont on voulait vous parler ce soir, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soir, il y a quand même quelque chose qui se passe tout près d'ici, Mathieu. Tout près d'ici à où côté, on se trouve. À la Chasse Galerie, dans le studio de C'est Fou. Juste à côté du studio. C'est à la Chasse Galerie ce soir, c'est la grande finale de l'impro musicale. Oui. Ça finit ce soir, donc c'est les Bleus contre les... Bruns, je crois, ou les Noirs, je m'en souviens plus. J'ai ça juste ici, un peu. OK. Faut juste que j'aille au sous-sol, je reviens. Qui va au sous-sol, OK, qui va. Ouais. Il fait. Non. La lumière est ouverte, par exemple. Tu peux ouvrir la lumière, hein? C'est juste un cordon, c'est ça. Puis là, torse le balai. Okay. C'est les Bleus contre les Noirs. Ah, Bleus contre les Noirs. Exactement. C'est bon. C'est à la Chasse Galerie ce soir. C'était vraiment pertinent de savoir ça. Ouais? Ouais. Ben oui, mais oui. Non, mais c'est bien. En même temps, t'as pu tester si la lumière marche encore. Mm-hmm. J'avais des doutes, je vois jamais. Hey, l'émission est comme pas mal finie. Ben, c'est ça, hein, ouais. Je dirais qu'on finirait ça comme ça, là. Je dirais que je serais bien content de terminer cette semaine-là. Sinon, regardons ce qu'il y a sur l'horaire aujourd'hui, parce qu'il y a plein de bonnes émissions qui s'en viennent. Tantôt, Stéphanie Gagné va animer une pêche en émission à 17h, toujours excellent. À 18h, il y a Spirale. À 21h, il y a Sky Punk avec du punk rock. Si vous avez raté un bout de l'émission, une entrevue, un segment, une chronique, écoutez, le meilleur de ce fou, c'est vendredi matin à 6h30, en rappel, samedi à 14h. Et allez voir sur assemblagerequis.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion de l'émission. Donc, on se retrouve lundi prochain, Mathieu. À 15h. À 15h pour Assemblage requis. Ça va être notre dernière semaine ensemble. Dernière semaine. Ça va être émouvant quand même, je pense. Ça va être difficile. On a passé déjà 120 émissions ensemble, Kiwan. Ça veut dire 240 heures. Ça veut dire 480 demi-heures. Ouais. Ça veut dire qu'on a écouté 880 pubs ensemble, non? Ok, ouais, à peu près. Je dirais que ça va être bien plate de s'en aller comme ça, mais bon. Oui, mais jeudi prochain, je pense qu'on peut le dire. On va avoir une petite émission spéciale jeudi prochain pour la dernière d'Assemblage requis dans ce format, dans le format présent. Oui, la formule va juste changer un peu pour l'été et pour l'automne. On vous en reparlera en temps et lieu. Mais sinon, la semaine prochaine, comme tu disais, jeudi, émission spéciale, on a beaucoup de surprises de préparer et des affaires le fun. On va se rappeler de bons souvenirs, quoi. Donc, à la semaine prochaine, Mathieu. Ben, bonne fête de semaine, Kiwan, toi. Stéphanie s'en vient et nous, on se laisse avec une pièce de Tricot Machine. Ah, oh, ça va être cute pour finir, ça. 30 ans hier. Bye! Bye! Ça fait 30 ans qu'on en est ensemble, ça tombe bien. Ben, ça fait même 38 ans. 38 ans, excuse-moi. J'arrondis vers le bas. Ouais, c'est ça. Je suis genre...